Déception et bota maladie sans traitement, chimiothérapie sans effet. Et bah, praticien sans succès, chalamaman. J'ai fait qu'à tout le roi des rois. Nana comme yon mitouna, kaso qui vraiment amoure, zalaka. Nana comme yon mitouna, kaso qui prenda amoure, zistaka. Kolomola Yezu, kolomola Gandhi. Kolomola Yezu. Kolomola Sainte Mère Teresa, Kobango Neva de Moutra, Vassine Abou, Mabela Nairobi, Sine la web na internet, Kopa internaute Yamo, Kiliba Navigue, Bamona Oyo Souka, Sonye. Jeudi, Ilombe. Ma chemin de la croix, Jésus. Patricia les cailles en vérité. Mère Mavata na Bruxelles, Elvis Osadene, Popol Mukelele. Yo moko loba kio kome nangara moko mwe. Tokati sae baleti nangambo e susu. Tokoma na katika kio mwa kisina ye. Nako myo pepa tepa sove ta jete. Fote za ya yo tema beza liya gaime. Il fallait pas la lettre d'un homme à esprit à ce soir. Michou Savanet, pour les chats à Bruxelles. Yoko Kyoye Basokyo, sa première amour à moto. Simon Mongra, non. La cigare entier, causa la cate Washington. Que Okoya, causa la dernière amour à Vinaye. Awapeko échographie a senti mais à ma cate. Vérité à moté ma moto, ma maman quoi zambé. Touti kaka kolo ta kole kamo na yampoe. Mambo fula jeje. Na koma ki convaincu que vous allez m'en sauver. Pantan gonyan son inventaire c'est ma belle. Oyo salina lela na nini kaka pangala. Que Jésus a bota ma les vraiment l'un des côtés. Yozala qui au le bac, Yozali c'est en Christ. L'unité bimini les mains, Zala qui l'on sert en Christ. Oui, nous qui t'aimons qu'en fuma. Yo te chinga primando no la zona, un poco es. Nada con mi amor, la guerra me trae. Washington Bushi. Eri moto na kata bato mupao. Moto muso mwana mokoli. Me muso mwana mwana mokoli. Eri mwana mwana moto liya mwako. Yo moko zini mwana na yo ok sepana. Abenga rekonde. Abenga akwena waya mwana. Mais je le gars numéro 3. Quand on a dit que j'étais un ami, je suis allé à la boulangerie qui va me suivre dans la Tropicana. Rami Amissi et Mimbaï, Mimi Dispiri. Bobo de Yondela. Il est de jour comme ça. Et bien la première dame, Edith Lucie Tito. Edith Beauté n'a qu'à ma beauté. Savez-vous que si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Mon pau, Kranon Kaka, Godard Moutemona, Willy Carlos, Jé Mouting, Yafastino Mangala, Laurent Lorel Jean, Chancelier Mido, Alain Mantouma. Jean-Marie Moulaco. Le sommet de l'Himalaya. Cyril Populaire à la Canada.